La revue nocturne. La nuit, vers la 12e heure, le tambour sort du tombeau. Il fait la ronde extérieure, va, vient, mais sans dire un mot. D'un bras maigre mais puissant, il agite les baguettes et bat main bon roulement, main réveil, main de retraite. La caisse rend des sons forts qui tonnent comme les bombes. Tous les vieux vétérans morts se réveillent dans leur tombe. Et ceux gelés sous le nord par le froid de Moscovie, ceux couchés en Italie sous le soleil qui les tord, ceux embourbés dans le Nil et les sables de Libye, tous sortent de leur exil armés comme dans leur vie. Aussi, vers la 12e heure, le clairon sort du tombeau, il fait la ronde extérieure et sonne comme un héros. Accourent sur leur cavale tous ces beaux cavaliers morts, ces vieux escadrons au corps saignant et criblés de balles. Leurs têtes enveloppées ricanent à tout moment, leurs mains faites d'ossements lèvent de longues épées. Enfin, à la 12e heure, le général aussi sort et fait la ronde extérieure avec son état-major. Il porte petit chapeau, capote mal équipée, il porte petite épée pendue à quelques lambeaux. La lune jaunit l'arène où flotte un noble drapeau et l'homme au petit chapeau revoit son aigle romaine. Les rangs présentent les armes et les portent à leurs bras. Sous des champs au triste charme, ils défilent à grands pas. Maréchaux et généraux, de lui chacun se rapproche. Le général au plus proche dans l'oreille dit trois mots. Ces mots volent avec ordre à la ronde et vaguement résonnent. France est mot d'ordre, Sainte-Hélène ralliement. Telle est la grande parade de ces Champs-Élyséens où César, bon camarade, à sa garde tend les mains. Zeitlitz. Zeitlitz s'est rendu populaire par un chant dont Victor Hugo s'est inspiré avec la puissance lyrique qui lui est propre. Il a eu le bonheur d'être un de ces rares poètes des différentes nations de l'Europe qui ont chanté Napoléon en prenant l'admiration pour muse. Monsieur Martin. La chasse sauvage de Lutzow. Quelle est cette lueur au fond de la campagne? Entendez-vous ce bruit toujours se rapprochant? De sombres bataillons descendent de la montagne. Le corps retentissant partout les accompagne et sème dans les cœurs un effroi desséchant. Et si vous demandez à qui cet équipage? C'est Lutzow, Lutzow et sa chasse sauvage. Qui marche là si vite en ce bois solitaire et rase les buissons de forêt en forêt? C'est un chasseur qui dresse une embûche sous terre. Un viva retentit au départ du mousquet et les sbires de France ont mordu la poussière. Et si vous demandez qui passe sous l'ombrage, c'est Lutzow et sa chasse sauvage. À l'endroit où le Rhin roule une onde orageuse, l'implacable tyran se croyait à l'abri. Soudain vient éclater la foudre désastreuse. On lutte corps à corps d'une main vigoureuse. On saute sur la rive au camp de l'ennemi. Et si vous demandez qui touche le rivage, c'est Lutzow et sa chasse sauvage. Quel est ce bruit d'airain le long de la vallée? Pourquoi ces cavaliers qui se percent le flanc? De fougueux escadrons parcourent la feuillée. Et de la liberté la flamme réveillée pétille d'aise au bord des longs ruisseaux de sang. Et si vous demandez qui barre le passage, c'est Lutzow et sa chasse sauvage. Tels sont ces cris d'adieu à la douce lumière, ces râles sous des tas d'ennemis gémissants. La mort fait palpiter cette large paupière, mais ce cœur indompté n'a point de tremblement. Le sol de la patrie est sauvé des tyrans. Et si vous demandez la cause du carnage, c'est Lutzow et sa chasse sauvage. C'est la chasse sauvage et la chasse allemande, chasse au sang des bourreaux, au sang des assassins. Si donc vous nous aimez, trêve de réprimande, car la patrie est libre et la lumière est grande, qu'elle éblouisse ou non au prix de nos destins. De neveux en neveux, rendez-nous cet hommage. C'était Lutzow, Lutzow et sa chasse sauvage. Theodor Körner. L'histoire des temps modernes n'offre rien de plus étrange que le rôle actif joué dans la lutte terrible de 1810 par l'élément lyrique allemand. Les plus beaux des chants patriotiques de l'époque sont ceux de Körner, noble ennemi que nous devons honorer, mort sur le champ de bataille le lendemain du jour où son dernier chant fut composé par lui. Philarète Chalès. Le chant du maréchal. Le clairon retentit. Hussard, vite, en avant! Voyez le maréchal bondir sur sa monture. Il pique du talon son coursier qui murmure. Il brandit dans les airs son glaive étincelant. Son fier regard qui brille électrise la troupe. Ses cheveux grisonnants ondoient avec sa houppe. Et son âge fleurit comme un vin déjà vieux. Aussi, c'est du bon droit le champion glorieux. C'est lui qui, dans une heure où nous mordions la chaîne, souleva vers le ciel un sabre trop rouillé et jura sur le fer, le front de pleurs mouillés, d'en remontrer au franc à la mode prussienne. Fidèle à sa promesse, au premier cri de guerre, comme le blond jeune homme avala la poussière, il a dans plus d'un bourg mis les danseurs en train et nettoyé le sol de son balai d'airain. À Lutzen, dans la plaine, il les a bien reçus. Là, des milliers de francs sautaient comme des chèvres. On a vu des milliers courir comme des lièvres et 10 000 ont dormi pour ne s'éveiller plus. Au bord de la Katzbach, il était magnifique. C'est là qu'il leur apprit à nager sans roseau. Bon voyage, Français, au fond de la Baltique. Sans culotte, prenez les requins pour tombeau. Près de Wartburg, sur l'Elbe, oh la belle bataille. Là, pour ces bons Français, ni fortin ni muraille. Il leur fallut voler comme un gros de perdrix et le hourra du chef fit trembler leurs habits. À Leipzig, dans la plaine, il eut sa récompense. C'est là que des Français il brisa la puissance. C'est là qu'elle a reçu le coup sûr et fatal. Et là, messire Blücher fut vraiment maréchal. Retentissez, clairons, vous, hussards, en avant! Galope, maréchal, sur les ailes du vent. Allons à la victoire, au Rhin et vers Mayence. Ma bonne épée, allons jusqu'au cœur de la France. Arndt, un grand lyrique plein de verve, de mouvement, d'enthousiasme guerrier. Philarète Chalès.